incontrôlable sensation de désir qui contrôle mes sens. Recommandation de ma tête au délire de mon corps. Réflexion contrôlée pour partir là où l'essence reprendra son cycle et où plus rien n'est en accord. Toi, tu prends ton sac à malice et tu pars sur les chemins du délice. Tu regardes au lointain et tu penses que la vie est trop folle, qu'elle ne contrôle plus les élans de ces corps qui s'embutent, se séparent et se lient. Mais pourquoi se poser tant de questions? La plus simple des solutions n'est-elle pas de ne pas se prendre au sérieux? Sans un sens, sans un but, sans mobile, immobile. Étape bizarre de la vie où tu partages ton cœur entre deux amants. Que le petit bout de toi que tu leur laisses leur suffit. Soirée qui commence d'une lune rougeoyante, où tout espoir est permis, où je viens pour une fin et où l'histoire continue. Sentiment étouffé mais si pur que par la beauté toute morale disparaît, laissant place au désir et à la passion de trois êtres de ce monde qui choisissent le partage pour l'amour plutôt que la séparation pour la peine. Certains diront que cette situation n'est pas normale, mais le bonheur attend-il de la morale son aval? N'écoutons que nous-mêmes dans les ombres du destin et profitons dès maintenant des cadeaux qu'elle nous offre et Inch'Allah. En simple conclusion, que ces mots se dirigent vers les cœurs perdus qui laissent fuir leur identité au travers du regard des autres. À l'autre bout, j'imagine un pays où les enfants joueraient sans jamais avoir peur, où le temps serait pris pour faire honneur à la vie.